Merci beaucoup donc de me recevoir dans cette médiathèque et dans cette ville d'ici les Moulineaux, que je connais un peu, mais pas beaucoup. Je la connais depuis l'époque où j'étais étudiant à l'université de Paris Dauphine, parce que j'avais un professeur qui avait coutume de dormir sur le pôle de votre mère. Il s'appelait Raymond Barre, qui connaissait très bien. Voilà, donc Romain Barre était mon professeur d'économie à l'époque, puisque je faisais le droit des affaires à Dauphine. Dauphine, donc il était arrivé qu'il vienne enseigner à cette époque-là, là-bas. Donc revenir ici, c'est me souvenir aussi de tout cela. C'est pour cela que je voulais vous remercier. Et en cette période de Salon du Livre, j'y viens à l'instant, et aussi d'élections municipales. N'oubliez pas que dimanche, il faut faire votre acte de citoyen. C'est important. Hein, toutes les élections sont toujours puissantes, puisque ça permet aussi de défendre la culture que nous avons ici. Ces remerciements faits, je voudrais peut-être brièvement rajouter ce qui a été dit ici à propos de mon parcours. Donc, je suis né à Pointe-Noire, qui est la capitale économique de la République du Congo. C'est un tout petit pays de l'Afrique centrale qui est à cheval sur l'équateur, avec une petite superficie de 342 000 km², et donc à moins de 5 millions d'habitants. Donc nous ne sommes pas nombreux, hein, on se connaît tous pratiquement. Ils connaissent tous leurs écrivains, à la différence de la France qui ne connaît pas tous leurs écrivains. Il y en a qui sont ici. Et le Congo, Brazzaville, a été très présent avec la France, puisque la capitale, Brazzaville, a été la capitale de la France libre pendant la guerre mondiale, la deuxième, lorsque ce pays était occupé et qu'il fallait défendre la démocratie. Eh bien, le général de Gaulle avait décidé que Brazzaville serait la capitale de la France dans toute sa liberté. C'est pour cela que j'ai coutume de dire qu'en quelque sorte, les Français sont peut-être aussi des Congolais qui s'ignorent, puisque à cette époque, nous avions la même nationalité, nous avions le même territoire, un territoire qui est occupé et qui est souillé comme l'était la France à l'époque, ne pouvait pas être digne de l'esprit républicain qui était le nôtre. Et bien, on avait finalement transféré le génie de la France dans cette capitale de Brazzaville. C'est pour cela aussi que nous avions tiré profit du fait que la France était venue au Congo. Si vous allez là-bas, il y a toujours les avenues du général de Klerk, du général de Gaulle, Félix Eboué, puisque je viens de prendre ici Félix Eboué, j'avais l'impression d'être à Brazzaville. En venant ici, j'ai retrouvé cela dans votre très belle ville. Étant la capitale de la France libre, le Congo devenait pratiquement la plaque tournante aussi des littératures d'expression française. Les premières revues de littérature, dont une qui s'appelait Liaison dans les années 50, c'était là-bas. Donc les écrivains qui allaient devenir très populaires plus tard, qui allaient fonder la littérature africaine, ont contribué beaucoup dans cette revue Liaison. Et puis il y avait la radio, hein, la radio française qui était là-bas, qui permettait aussi à toutes les sensibilités de pouvoir s'exprimer. Je suis donc né à Pointe-Noire, il y a une côte sauvage qui est là. J'ai discuté tout à l'heure avec une compatriote française qui a une couleur plus claire que la mienne, puisqu'elle est quelque part dans la salle ici. Elle se trouve ici. Voilà ma compatriote congolaise qui se trouve, madame. Vous pouvez lever la main parce que on risque de croire que c'est celui qui est à côté. Voilà. Voilà. Là, quelques jours par an. Voilà, qui y va 15 jours par an et qui a ses enfants qui se trouvent à Pointe-Noire. C'est ma ville natale. J'y ai vécu, une ville qui est un peu divisée avec un centre-ville qui est plutôt très européen, et puis les quartiers populaires que vous avez, les quartiers comme Fourques, les quartiers Fonds, et un quartier que vous retrouverez beaucoup dans mes livres qui s'appelle le quartier 300. Alors, vous allez vous dire, mais pourquoi 300? Eh bien, parce que c'est le quartier dans lequel il y avait une prostitution très intensive. Cette prostitution intensive était faite par les Zaïroises, c'est-à-dire que les Congolaises venues d'un autre, du pays d'en face. Et ces Zaïroises, quand elles sont arrivées au Congo, dans ce quartier, elles avaient trouvé, bien entendu, des prostituées de chez nous, qui étaient congolaises, mais qui avaient un coût trop élevé. Ça coûtait 500 francs. Et les Aïrois sont venus baisser le coût de la passe à 300 francs. D'où le fait qu'il y a eu une sorte de guerre, que je raconte dans Lumière de Pointe-Noire, entre les prostituées venues du Zaïre, colonisé par les Belges, et les prostituées congolaises colonisées par la France. La guerre était telle que le maire devait prendre une décision parce qu'il y avait des femmes qui étaient agressées à coups de soude caustique sur le visage. Vous savez que le visage de la prostituée fait partie de sa déventure pour son commerce. Donc si on détruit le visage, le client risque d'hésiter avant de pouvoir débourser quelque chose. Donc du coup, cette guerre était tellement dure, parfois larvée, parfois ostensible, et bien le maire avait décidé de déplacer les prostituées locales, donc du Congo. Et bien, le maire a dit, écoutez, allez plutôt faire la prostitution au centre-ville, les Européens seraient plus capables de payer 500 que les Congolais. Et évidemment, on a ramené les prostituées congolaises au centre-ville. Mais le problème, c'est que même les Européens commençaient à hésiter avant de payer 500, puisqu'ils avaient entendu qu'il y avait une nouvelle vague qui coûtait moins cher, mais qui était dans le quartier populaire. C'est à ce moment qu'on a commencé à voir les Européens venir plutôt dans les quartiers populaires, tranquillement. Et du coup, nos prostituées, nous, devenaient presque des citoyennes qui étaient au chômage. La guerre a dû continuer au fur et à mesure, et on a décidé que le prix coûterait 300, et tout le monde est revenu dans le quartier populaire qui s'appelle aujourd'hui le quartier 300. Et moi, je me promenais beaucoup dans ces quartiers puisque nous vivions pas très loin de là. Mon oncle était celui qui avait initié un quartier d'en face qui s'appelait le quartier Louboulou, et nous étions parfois commissionnés par les prostituées. Donc quand on avait besoin un peu d'argent de poche, on faisait semblant de traverser une rue du quartier 300 et il y avait toujours une prostituée qui vous disait, écoute, petit, viens ici, va acheter une bière pour mon client. Donc on achetait de la bière, on ramenait de la bière et il y avait la monnaie, on mettait dans la poche. Donc il y avait tous ces petits garçons qui tournaient autour de ces quartiers pour cela. J'ai vécu peut-être des moments palpitants. Et pour moi, c'était intéressant dans la formation de l'écriture. Comment j'allais décrire les petites gens? Comment j'allais plutôt centrer mon écriture vers les gens qui n'avaient pas de voix? Ce que Aimé Césaire appelait les sans-voix. Ceux qui n'avaient peut-être pas le pouvoir d'achat, mais ceux sans qui ce quartier ou ce pays n'aurait pas été celui qu'il était à l'époque. Donc, ayant vécu dans cette ferveur, dans ces quartiers populaires, dans ce bouillonnement, eh bien, ça m'avait donné aussi peut-être envie de lire des auteurs qui étaient très populaires. Et à l'époque, évidemment, on lisait les romans de la littérature française qui parlaient des questions sociales. On lisait les Zola, on lisait tout ce qui était Germinal. On commençait à lire les Balzac, c'était plus proche de nous. Pour nous, lorsqu'on entrait dans Balzac ou dans Zola, on n'était pas forcément en France, on était au Congo. On s'imaginait même pas que ces auteurs étaient d'un autre pays. Parce que quand vous prenez Émile Zola, par exemple, le nom Zola existe au Congo. Zola, ça veut dire celui qui a aimé. Zola, c'est l'amour. Moi, j'ai vu une tante, une fois on discutait, je parle d'Émile Zola, elle dit, ah bon ? Zola est connu même en Europe, parce qu'elle croyait que Zola, c'était notre auteur, il avait notre nom, et que les Européens nous l'avaient volé parce qu'il était tellement d'une dimension éternelle et avait parlé des choses européennes sans avoir été en Europe. Beaucoup d'auteurs ont vécu dans cette situation-là au Congo-Brazzaville. Et puis, ce qui était fondamental chez nous aussi, c'était justement la question de la langue française qui a été abordée ici aussi bien par Salas Tétier que Venice Corrigata, que je connais et qui sont des écrivains formidables. Il faut se rendre compte que pour nous, la langue française, on l'a cité aussi ici, n'était pas une langue étrangère. Nous, nous sommes nés après les indépendances. Donc, quand nous sommes arrivés, il y avait la langue française dans la rue. C'est vrai, elle avait parfois une saveur qui était autre, elle était épicée, il y avait des éléments qu'on rajoutait à l'intérieur. Il y avait des images parfois qui étaient propres aux Congolais. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand nous avons appris la langue française, pour nous la langue française c'était la langue de l'abstraction aussi. C'est-à-dire c'est la langue qui permettait de manier parfois des concepts sans pour autant que l'image soit forcément là. Or, les langues africaines qui étaient les nôtres, qui sont les nôtres, le Lingala, le Munukutuba, le Bembe, toutes ces langues africaines ont pour nature d'être des langues très imagées. Comme on n'a pas beaucoup de synonymes, comme on n'a pas beaucoup de mots pour jouer de l'abstraction, on était condamné dans nos langues africaines à beaucoup utiliser les images pour exprimer une réalité. Et lorsqu'on a pris la langue française et qu'on trouvait que dans cette phrase, il y avait une sorte de carence d'image, eh bien, on allait rechercher dans la langue, dans les langues africaines l'image qu'il fallait pour donner une force dans l'écriture. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'avais envoyé un manuscrit aux éditions du Seuil et qu'on allait le publier, il y a toujours des correcteurs. C'est-à-dire les gens, voilà, attention, il est très fort en français, il rigole pas, il laisse rien passer, et j'arrive, tranquille, il dit, ah, c'est très bien, mais il y a quelque chose ici, il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre de la langue française. Je dis, ben allons-y. Donc il y avait quelque part, j'avais écrit, il lui donna le dos de la main. Donc, le dos de la main. Il me dit, non, ça ne se dit pas, il vaut mieux que vous puissiez dire, il lui donna une gifle ou il gifla. J'ai dit, oui, mais quand vous allez dire gifler, mais gifler comment? Parce que la main, on peut gifler aussi bien par le revers que par la paume. Donc il faut que ça soit précis pour que la personne qui doit lire doit le savoir. Or, dans ma langue, on dit, dans mon côté, on dit, couper ça m'anime beaucoup, c'est-à-dire donner le dos de la main, c'est-à-dire c'est donner une sorte de revers à quelqu'un. Et là, elle a dit, ah, mais j'avais pas vu, j'avais pas perçu cela. Et un peu plus loin, il y avait une expression où j'avais mis, je crois qu'il me disait de dire, non, on dit rouler quelqu'un dans la farine. Et là, je lui avais dit, oui, mais quelle farine? Oui, parce que moi, j'avais juste roulé quelqu'un dans la farine de manioc. Parce que j'ai dit, mais madame, c'était une dame, j'ai dit, il y a la farine manioc, maïs, tout. Donc, moi, je vais être précis pour que lorsqu'un Congolais lira mon livre, il saura précisément dans quelle farine on risque de le rouler. Parce que ce n'est pas toujours évident. La farine de manioc, je lui expliquais, n'est pas toujours la farine de maïs. Donc, moi, je préfère être roulé parfois dans la farine de maïs que dans la farine de manioc. Donc, moi, j'ai mis le manioc parce que l'odeur de la farine risque de rester plus longtemps que l'odeur de la farine de maïs. Voilà comment j'ai obtenu et toujours obtenu les licences auprès de mes éditeurs parce que je justifie toujours chaque image que je mets à l'intérieur de cette écriture. Et à cette époque, la langue française, nous l'apprenions aussi par le biais de nos parents qui parfois la parlaient. Mon père, par exemple, utilisait la langue française pour mettre de la distance entre lui et les autres. C'est-à-dire que je savais que mon père était fâché lorsqu'il s'exprimait en français. Parce que là, ça voulait dire, écoutez, nous n'avons pas élevé le mouton ensemble, vous restez de l'autre côté. La langue française servait justement d'avertissement. Si vous continuez à vous comporter ainsi, je vais m'exprimer en français. Donc c'était une menace. Mon père se disait, moi je me voyais, il se tournait vers moi, ma mère, et disait, attention Pauline, je risque de parler en français. Et là, je voyais ma mère, ah oui, mais dans ces conditions, et le débat était clos dans ce sens. Nous utilisions, et moi, en grandissant, je me disais, quand je serai grand, je parlerai la langue française pour qu'on me respecte, pour mettre la distance entre ceux qui m'embêtent et peut-être être le grand comme il fallait. On avait ce concours d'éloquence. On avait aussi cette idée que pour courtiser une fille, il fallait le faire dans la langue française parce qu'on se disait, bon, si je le fais en français, elle ne va pas m'opposer beaucoup de résistance. Parce que ça sera tellement très bien chanté, très bien joué. On va convoquer la Martine, Alfred de Musset. La fille sera tellement séduite qu'elle va se dire quelqu'un qui peut convoquer la Martine et, je ne sais pas, Verlaine ne peut être que quelqu'un de bon. Donc nous avions pendant longtemps considéré cette langue justement comme une langue de présence, comme une langue de distance aussi, mais comme une langue de classification. On recherchait la formule la plus ampoulée, même si elle ne voulait rien dire. On se disait, bon, ça veut forcément dire quelque chose. On étudiait le dictionnaire. Parce que tout simplement, aujourd'hui, les jeunes peuvent avoir le dictionnaire à tout moment, mais parfois, il y avait un seul dictionnaire dans tout le quartier et il s'est trouvé au Centre culturel français. Et quand vous arriviez pour vouloir aller chercher un mot, on faisait la queue derrière le dictionnaire parce que celui qui était là, il y a plus de 3000 pages. Il veut lire tout. Il vient à 6 heures du matin pour être le premier et il quitte la bibliothèque à la fermeture. Donc c'est à celui qui pouvait venir même à 5 heures du matin pour avoir le dictionnaire. Et puis, comprenant cela, on avait mis plusieurs exemplaires qu'on lisait à cette époque. Et nous lisions, effectivement, on recherchait plutôt les mots qui n'étaient pas beaucoup utilisés dans les quartiers. Les mots qu'on n'utilisait pas. Et nous, on appelait ça les gros mots. Ici, vous, les gros mots, c'est... quand on vous dit, ah oui, c'est un gros mot, c'est une insulte. Non, nous, le gros mot, c'est le mot qui est très beau dans la langue française, qu'on n'utilise pas trop et qu'on peut utiliser pour épater son auditoire. Ça, c'était le gros mot. Donc, on faisait ce qu'on appelait cette science, nous l'avions qualifiée la gromologie. C'est-à-dire, voilà, l'art d'utiliser des mots qui vont être, qui vont épater effectivement la foule. Donc tous les jours, on se réunissait dans le quartier, on disait, bon, tu as trouvé combien de gros mots? Ah oui, j'ai trouvé 5, j'ai trouvé 6, j'ai trouvé 7. Par la suite, le constat qu'on avait fait, c'est que certains mots dans la langue française étaient très beaux, mais la réalité qu'ils exprimaient n'était pas forcément belle. Donc du coup, notre travail plus tard comme écrivain sera de faire de sorte que le mot qui était beau en français, qui n'exprimait pas une très belle réalité, eh ben, on va aider ce mot à avoir une réalité plus esthétique, plus belle, plus... voilà, on avait de ces mots, par exemple, quand on trouvait les insectes, on disait coccinelle. Pour nous, coccinelle, c'est l'insecte qui roulait un peu de la merde, donc il y avait quelque chose même de désagréables à l'intérieur. On recherchait finalement dans les dictionnaires quels étaient les mots français qui étaient très beaux mais qui exprimaient une mauvaise réalité ou quelque chose qui était autre. C'est pour cela que lorsque nous utilisions cette procédure dans l'écriture, eh bien on venait dire ah ben oui, voilà, il donne une certaine saveur à la langue, il donne à la langue des couleurs. Non, c'est parce que nous ne voulions pas être déçus par ces mots qui étaient pourtant beaux et qui n'exprimaient finalement rien. Et lorsque je suis arrivé au lycée, ce qui était pour moi un moment clé, je suis arrivé au lycée, évidemment, mon orientation était cette étude de la langue française. Une étude qui n'était pas évidente, puisque vous savez que quand vous étudiez la langue française, c'est toujours compliqué. Il y a beaucoup de règles, beaucoup de règles. Mais il y a encore beaucoup d'exceptions. Et le constat que j'avais fait, et que j'avais dit d'ailleurs écrit dans un livre qui s'intitule « Vers cassé », c'est qu'on avait compris comment vite apprendre la langue française. Il ne fallait pas s'acharner à étudier les règles. Il fallait simplement s'acharner à étudier les exceptions. Si vous connaissez les exceptions de la langue française, que là, quand vous avez tel participe passé, ça ne s'accorde pas, sauf dans cette circonstance, les verbes réfléchis, irréfléchis, tout, vous avez finalement la langue française, puisque l'exception va venir finalement confirmer la règle. Or, tout le monde fonçait vers l'étude, plutôt les règles, et puis ils étaient calés lorsqu'il fallait venir vers les exceptions. Parce qu'on respecte plus les gens qui mettent du temps, peut-être, à donner de la valeur à l'exception qu'à la règle. Quand vous avez une rue, ici, interdiction de stationner le lundi, sauf les voitures de telle taille, les voitures de telle taille, mais c'est ça qui m'intéresse plutôt. Ça m'intéresse de savoir si j'ai une voiture de telle taille, la règle c'est normal. Voilà. Dès que vous avez cette voiture, vous dites, bon, j'achèterai une voiture de telle taille, comme ça non seulement je serai en règle, mais je serai l'exception qui confirmerait cette règle. Donc c'est finalement dans cette optique que nous sommes allés, j'ai passé mon temps, je dis, les participes passés, ah bon, c'est comme ça, les participes présents, ah ben voilà. Normalement, quand on doit écrire le mot appeler, attention, quand il est à l'infinitif, un L, mais quand je dis j'appelle, attention, ça va doubler de ceci. Tout de suite, vous savez, ah, mais maintenant, comment je vais conjuguer cela? Eh bien, on l'étudiait. Et j'ai appliqué cette méthode même plus tard, quand j'étudiais la langue anglaise, quand j'étudiais la langue russe, c'était la même chose. J'arrivais quelque part, je dis, bon, écoutez, monsieur, allons vite, quelles sont les exceptions? On m'a donné les exceptions, je dis, bon, ok, et je les étudiais par cœur. Et ça arrivait que le jour même que vous avez une dictée ou quelque chose à écrire, ben, les exceptions vont vous aider. Et parfois, c'est par l'exception que vous allez retrouver la règle. Puisque exceptionnellement, je vais écrire ça comme ça, sinon, les autres doivent l'écrire de cette façon-là. Donc, cette stratégie, finalement, que j'utilise jusqu'alors, parce que vous savez que, comme j'enseigne aux États-Unis, quand j'arrive dans la classe, je commence par leur enseigner les exceptions. Et le lendemain, quand je reviens en classe, je suis stupéfait parce qu'ils ont trouvé les règles. C'était plus rapide de leur expliquer, attendez, ne garez pas votre voiture là. Ah, donc les autres, ils peuvent garer, voilà, dans ce sens-là. Donc, la langue française, pour nous, c'était question... aussi de retrouver comment la singularité pouvait l'emporter sur la généralité dans ce sens-là. Et puis, ce qui était fondamental à cette époque-là, c'est que nous, on l'a dit aussi, on ramassait la langue française dans la rue. Tout le monde pratiquement la parlait à sa manière. Ma mère n'est pas allée à l'école, mais elle parlait la langue française à sa manière. On l'a ramassé dans la rue, pourquoi? Parce que c'était la langue officielle. C'est toujours le cas jusqu'à aujourd'hui. La langue officielle, cela impliquait que dans l'administration, on parle en français. À la télévision, il y a un journal en français. Et pour équilibrer les choses, on a trois journaux télévisés. Donc deux dans les principales langues du Congo. Un journal qui commence aux alentours de 18h dans la langue Monokotuba, donc du sud du pays, tout ce qui est Pointe Noire, Lubomo et autres. Et un autre journal dans la langue Lingala qui concerne un peu Brazzaville, le nord du pays, et qui peut s'entendre aussi de l'autre côté, dans l'autre pays, au Zaïre. Ce qui fait que à 18h, on a un journal dans une langue congolaise, à 19h dans une autre langue congolaise, et puis à 20h, quand vient la grand-messe, c'est là que se fait le journal en français. On a tout, on reprend pratiquement les informations qui étaient diffusées à 18h et à 19h, mais on les amplifie avec une actualité internationale, ce qui nous donnait une fenêtre très ouverte au monde. Ce qui voulait aussi dire que la hiérarchie même dans les classes sociales, la langue française était importante pour graver les échelons, pour devenir quelqu'un. Vous étiez quelqu'un si vous aviez maîtrisé la langue, si vous pouviez vous exprimer avec aisance et peut-être faire partie de l'administration à cette époque-là. Donc, comme nous ramassions la langue française dans la rue, nous étions loin de penser que la langue française venait forcément de la France, puisque la langue française parlée au Congo côtoyait les 7-8 langues que nous parlions à cette époque-là, et que les langues même africaines étaient puisées dans la langue française. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas trouver un Congolais qui va parler le Lingala avec 100% de mots en Lingala. Les mots français sont à l'intérieur. C'est pour cela que quand je vois les gens qui se plaignent du fait « Oui, mais je ne comprends pas la langue française, plutôt des langues, les mots en anglais, nous allons vers la décadence. » Mais on ne fait pas l'effort de comprendre ce que la langue française donne aux langues africaines. Mais nous, on ne s'est jamais plaint en se disant « Ce n'est pas possible, le Lingala n'est plus ce qu'il était, la langue française nous fatigue. » Non, nous, on prend ça comme une richesse. Parfois, on transforme les choses. Le mot français qui va rentrer dans la langue congolaise, dans la langue africaine, ne va parfois plus avoir la même signification. On prend l'exemple le plus connu que je donne à gauche et à droite, le mot bureau. Le bureau pour vous, voilà, j'ai un bureau ici tranquille, mais chez nous, le bureau, c'est une maîtresse. Si elles sont quatre, on va dire premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau. Pourtant, c'est un mot français, le monsieur, il va s'exprimer en disant, ouais, non, moi, je vais dans mon premier bureau. Évidemment, si le français qui est là, il dit, ah, qu'est-ce qu'il est riche, il a un bon travail, il a quatre bureaux. Non, mais c'est parce qu'il a des maîtresses. Donc, il y a des mots comme ça, où la maison ne va plus être appelée Ndako, maison, on va dire palais, parce que c'est là où on est roi, dans chez soi. C'est-à-dire que quand on est dans sa maison, on a un gouvernement. Il y a maman, papa qui dirige, et puis il y a un premier ministre qui est le grand frère, et puis il y a le ministre des affaires de ceci. C'est un petit gouvernement à l'intérieur de la maison. C'est pour ça qu'on dit toujours que si vous êtes capable de bien gouverner votre foyer, il est plus aisé de gouverner un quartier, de gouverner une ville, etc., etc. Ça donne des signes de la gouvernance même à l'intérieur. Et donc cette langue qui nous donnait des éléments, ça complétait la langue, les langues africaines. Là où on avait une pauvreté dans l'abstraction, dans les mots, on allait les puiser en français, on donnait une certaine intonation, un certain accent qui faisait que nous, plus tard, quand on allait devenir des écrivains, puisqu'on réfléchissait aussi bien dans la langue de Voltaire telle qu'elle nous a été apprise, mais on n'oubliait pas que le français, avec nos congolismes, comme on disait, était aussi très important pour donner quelque chose de grand. Et la fois dernière, lorsque nous sommes allés avec une... On avait été invité il y a 3-4 jours à l'Élysée pour la journée de la langue française et de la francophonie. Il y avait évidemment des académiciens, Hélène Carin d'Arcos, Eric Orsena, Florence Delay, Amin Malouf. Il y avait 4 ou 5 académiciens, plus des anciens directeurs du CSA comme Hervé Bourges, plus les ministres de la communication et de la culture, Aurélie Philippe. Moi, j'ai fait justement ce constat, puisqu'on était toujours dans une situation, mais oui, on ne comprend pas, il y a la désagrégation de la langue française, nous sommes en train de perdre ceci, nous sommes dans les reculs. Il y a toujours ce discours un peu larmoyant, sombre, qui fait qu'on a l'impression que la langue française ne vaut plus rien, que c'est fini, qu'elle a perdu son rayonnement, que finalement on ne la parle pas bien. Moi, j'ai entendu ces discours pendant longtemps. Il a fallu que je vive à l'étranger pour mesurer combien la langue française demeurait un facteur de culture, de prestige culturel à l'étranger. Vous imaginez, par exemple, moi j'enseigne la littérature aux Américains. Ils n'avaient pas besoin du génie français, de la littérature française, de la littérature francophone. Ils ont tout. Les Américains, ils vont voir les auteurs anglophones, s'ils veulent des auteurs des anciennes colonies, ils vont trouver du côté de Nigeria et autres. Mais il y a cet engouement qui fait que les Américains continuent et pensent à juste raison que la langue française va leur donner un plus dans la compréhension des disciplines comme la philosophie, la culture, la peinture. Et on ne fait pas la comptabilité de ces mots que les Anglais empruntent à la langue française. Plus de 42%. On ne le voit pas. Parce que nous confondons souvent l'hégémonie économique. Donc on dit, puisque les Américains sont le numéro un puissance économique, et on pense par voie de conséquence que forcément il y a l'écrasement des autres langues. Mais ils n'ont pas trouvé un mot plus beau que rendez-vous. Ils l'ont pris. Ils disent rendez-vous dans la cuisine. Si vous allez dans une cuisine, dans un bon restaurant américain, vous êtes épaté. Filet mignon, c'est à l'intérieur du menu. Et ils le prononcent. Et eux, ils ne savent même pas que ça vient du français. Filet mignon, bourguignon, bœuf bourguignon, mais je l'ai vu, j'étais stupéfait. Je me suis dit, j'ai dit, mais écoutez, excusez-moi, le chef, il est français, il dit non, non, non, non. Mais ils l'ont connu tel quel. Pourquoi? Mais parce qu'il y a cette admiration et même ce respect qu'on a pour la cuisine française. Et quand on a le respect pour une discipline, on garde les appellations qui vont avec. Il y a d'autres domaines dans lesquels moi je fais la comptabilité. Peut-être qu'un jour, il faudra que j'écrive un petit livre, même fût-il le plus bref, qui ferait le point sur la situation de cette langue, où vous verrez comment la langue anglaise doit beaucoup à la langue française. Ce qui, je l'ai dit alors dans notre réunion à l'Élysée, ce qui nous manque, c'est peut-être la politique d'accompagnement de cet engouement. Quand je vois les pauvres étudiants qui vont apprendre d'autres langues, si vous allez au département d'études germaniques, dans la classe, ils sont 4, ils sont 3. Les Allemands sont obligés de sponsoriser même les étudiants pour aller à l'école. S'il vous plaît, étudiez l'allemand, sinon ça va disparaître. Mais nous, nous sommes obligés de dire, mais c'est pas possible, je ne peux pas avoir un cours de 40 personnes et puis 20 sont dans la liste d'attente. On est obligé de diviser, d'embaucher un professeur, de faire ceci. Quand on fait un cours d'introduction même à la culture française, c'est la bousculade. C'est-à-dire qu'un monsieur qui travaille aux impôts, hein, il est bientôt, peut-être il va aller à la retraite, mais il veut revenir. Parce qu'il sait qu'en étudiant la culture française, quand il va arriver en Europe, il va être à l'aise dans ce sens. Et ce sont ces départements d'études françaises, d'études francophones, qui aujourd'hui donnent le plus le travail aux États-Unis. Aujourd'hui, les étudiants américains préfèrent étudier dans les départements d'études francophones, d'études françaises, parce qu'ils savent que quand ils vont finir, par exemple, leur doctorat, on aura beaucoup besoin d'eux dans les autres départements pour aller enseigner. Et ce qu'on a fait dans nos universités, puisque Los Angeles a le département, l'un des départements les plus développés aux États-Unis, il y a plus de 19 professeurs qui enseignent dans le département d'études françaises et francophones. Et ces professeurs couvrent toutes les langues françaises. Il y a des spécialistes des littératures des îles. Dans les îles, vous allez prendre les Antilles, l'île Maurice, tout ce qui est. Il y a des spécialistes de la littérature, de ce qu'on appelle, de certains qui appellent avec ironie la francophonie blanche, donc tout ce qui concerne la Belgique, Suisse, ainsi de suite. Il y a des spécialistes de la littérature d'Afrique noire francophone, il y a des spécialistes aussi des littératures qui viennent du côté d'Haïti. Tout est couvert, même du Vietnam, on oublie toujours. Qu'il y a des portions aussi, il y a encore des résistants du côté de l'Asie qui apprennent la culture française, qui apprennent les études françaises. On oublie aussi, par exemple, que certains pays ont abandonné l'anglais comme langue officielle pour revenir à la langue française. C'est le cas de l'île Maurice qui est un exemple frappant. Pourtant, ils avaient l'anglais comme langue officielle, ils l'ont abandonné pour retourner vers la langue française. Et bien là, je dis au président de la République, c'est là qu'il faut axer les efforts. Il faut aider ceux qui reviennent ou ceux qui viennent à la langue française par amour. Parce que, bon, nous les Congolais, c'est acquis. On n'a pas le choix. On a eu le français par le choc de l'histoire. Et puis on le travaille à notre manière. Les Congolais, c'est évident, la langue française leur appartient. De la même manière, ceux qui sont en face au Congo-Kinshasa, ils ont eu la langue française par ricochet, par le biais des Belges. Les Belges, c'est vrai, il y avait côté flamand et autres, même s'ils vont dire 95 ou 90, mais ça reste toujours la langue française dans ce sens. Les Camerounais, c'est vrai, ils parlent le français, mais on oublie que du côté du Cameroun, c'était aussi quand même la colonisation allemande. Donc il y a eu un retournement. Les Camerounais ont beaucoup les noms comme les Carles et autres parce qu'il y avait une colonisation allemande. Ce n'est pas normal que nous puissions laisser des pays comme le Rwanda abandonner la langue française pour opter plutôt la langue anglaise dans ce sens. C'est pour cela que j'avais prêché à côté de la notion de la francophonie, qui est justement cet espace dans lequel les pays qui ont en commun la langue française se partagent le génie de cette langue, mais aussi la culture et l'histoire, j'avais proposé à côté de la notion de la francophonie de s'appesantir sur la notion de la francophilie, c'est-à-dire ceux qui viennent vers la langue française par amour. La francophilie est plus intéressante parce qu'elle surprend. Vous avez des Américains qui vont venir vers la langue française. Vous avez des pays hispaniques qui veulent venir vers la langue française, qui viennent frapper même à la porte de l'Organisation internationale de la francophonie pour être des membres observateurs. Eh bien, la politique culturelle et peut-être même la politique linguistique doit accompagner ces gens. Ce que j'expliquais aussi, c'est que, en général, si vous venez aux États-Unis, vous dites « Ah, mais c'est très bien, tous ces professeurs, ils enseignent en français, qui sponsorise tout cela ?» Les Américains, à 100%. C'est-à-dire que les Américains vont dans ces départements, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent 20 Américains, on leur paye des billets, on dit « Allez rester un an à Aix-en-Provence, puisqu'on a des échanges Los Angeles et Aix-en-Provence, on prend 20 Américains, étudiants, on les laisse pendant un an à l'université d'Aix-en-Provence, on prend 20 Français qui sont à Aix-en-Provence, on les laisse pendant un an à l'université de Los Angeles. C'est vrai que les étudiants américains vont revenir avec l'accent du Sud, ça fait toujours très très plaisir, et on trouve cet échange formidable qui est payé à 100% par les États-Unis, y compris les étudiants français qu'on va ramener aux États-Unis. Et évidemment, le président de la République était tellement très surpris. Il a dit « Ah non, mais ça, il faut regarder ça de très près. » J'ai dit « La politique doit s'axer à ce niveau-là. » Parce qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Tout le génie que nous sommes censés avoir insufflé dans la langue française va être gouverné par les Américains. C'est-à-dire les plus grands spécialistes de demain de la francophonie risquent d'être des Américains. C'est ça. Ce n'est pas normal que si on va dans les grandes universités françaises, qu'il n'y ait pas justement des chaires de francophonie. Il faut même dans l'éducation que les grands auteurs francophones côtoient les grands auteurs de la France. Je veux dire que Kuruma mérite de figurer quelque part. Mongo Betty du Cameroun, Sonny Lobetansi, les Américains, ils connaissent tous ces écrivains. Les Américains, ils les étudient parce que nous enseignons ces écrivains là-bas. De la même manière, quand vous prenez un étudiant américain et que vous le posez à côté d'un étudiant qu'on a ramené d'Aix-en-Provence, l'étudiant américain aura de l'avance parce que pendant 4-5 ans, il aura étudié tous les auteurs francophones, donc il aura connu l'histoire de l'Afrique, ce qui s'est passé en Afrique. En connaissant l'histoire de l'Afrique, il connaît aussi l'histoire de la France et que l'étudiant d'Aix-en-Provence qui arrive, c'est vrai, il avait un programme très imposé, il a lu ses classiques, il a lu que les Américains lisent. Puisqu'avant de commencer à étudier les auteurs francophones, ils ont une base. Ils ont déjà lu les Proust, ils ont lu les Voltaire bien avant, ils ont un cours pendant plus d'une année et demie sur les cultures françaises. Ils savent qu'est-ce que les banlieues, qu'est-ce que ceci, comment est le régime présidentiel, comment le régime parlementaire, qui a gouverné quoi, à quelle époque, quels sont les présidents, telle république, Louis XIV, Louis et quelques. Ils savent tout cela puisque c'est obligatoire, ils ne peuvent pas venir dans un département pareil sans pour autant connaître cela. Le bonus qu'ils ont eu, c'est que parallèlement à l'étude de cette littérature française, ils avaient aussi les autres zones qui couvraient à l'intérieur. Et évidemment, nous, on ne se gêne pas, ou j'allais dire, les Américains ne se gênent pas quand ils prennent 20 étudiants français qui sont là. Et s'ils remarquent qu'il y a 10 qui sont très forts, ils vont convaincre de les garder. Ils vont tout faire pour les garder là-bas, à coup, justement, de bourses qu'ils vont donner. Ils vont donner bourse, voilà, c'est très très bien. Ils leur donnent la bourse, ils disent ne t'en fais pas, je vais financer ton logement, il y a ceci. Oui, mais j'ai laissé mes livres en France, on va les ramener. Ça se passe de cette manière-là. Et les Américains ont aussi cette technique d'aller désormais pratiquement à la quête de ces intellectuels que la France forme. C'est-à-dire, c'est comme si c'était un marché. Quand vous le voyez, oui, vous le voyez se promener le long de Saint-Germain-des-Prés, parfois c'est un doyen de l'université de Princeton, de Los Angeles, de Philadelphie. Il passe, il s'assoit au coin de Flore, il entend ce qui s'est dit, il note les noms, il regarde la télé, il dit, il fait quoi? C'est pour ça que vous avez... Pour les Africains, les intellectuels comme les Mamadou Diouf, les Achille Mbembe, à l'époque les Édouard Glissant, les Maris Condé, tous ils étaient allés comme si c'était une sorte même de kidnapping. C'est-à-dire qu'il les envoie là-bas et dit voilà, vous avez besoin de quoi pour développer dans cette université un pôle de littérature francophone. Ben, nous on fait les listes, voilà, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Il y en a qui vont même jusqu'à imposer la couleur des stylos, je veux des stylos bleus, donc ils ont tout. Donc à ce moment, le pôle se forme. Et nous, ce que nous sommes en train de faire là-bas, c'est d'imposer aussi le fait que peut-être le consulat, par exemple, qui est là-bas, le consulat de France à Los Angeles, que j'avais connu avant, puisque avant il y avait un consul. Je crois que c'était David Martineau, puis il y a un autre. Chaque fois, j'allais leur dire, il faut nécessairement contribuer au débat qui se passe à l'intérieur de l'université. Quand nous avons quelque chose qui se passe, une conférence, un salon du livre, même si c'est 100 euros, mais qu'on sache au moins que la France a participé. Parce que vous risquez finalement de ne plus gérer ce qui peut demain sauver la langue française. Et je leur rappelle souvent que quand on fait le bilan des traductions de livres en français, des livres qui sont traduits du français en anglais, en général, parfois 70% viennent des auteurs qui viennent de l'espace francophone. Pratiquement tous les auteurs francophones sont traduits en anglais, que ce soit les Thierno Mondenembo, les Abdourahmane Ouaberi, tous. Et le reste, ben, ce n'est pas traduit parce que la force n'est pas la même. La défense de la littérature n'est pas forcément la même dans ce sens-là. Donc, c'est l'amour de la langue française, c'est vrai, qui m'a amené là-bas. C'est l'amour de cette francophonie qui m'a amené là-bas. Mais le combat que je mène désormais est un combat placé sur le plan de la francophonie, la francophilie, l'amour de la langue sans pour autant avoir été colonisé par la France. C'est là qu'on va accroître le nombre de locuteurs en langue française et c'est peut-être par là que la langue va être durable au moment où des pays comme l'Italie, des pays comme l'Allemagne sont en perte dans les études, dans les élèves qui apprennent l'italien ou qui apprennent l'allemand et même le russe. Qui avait tenté de faire une sorte d'OPA sur les pays sous-développés après les indépendances, en enseignant à coût de subvention la langue russe à tout le monde. C'est pour ça que j'avais appris les Russes, hein, puisqu'on aurait dû abandonner tout ce qui est langue capitaliste, vous allez apprendre la vraie langue de Pouchkine. On a eu tout, hein, c'est-à-dire on allait, les étudiants, ils allaient à Moscou pratiquement gratuitement. Ils ne redoublaient même pas, parce qu'on dit « Ah non, non, non, il faut vite former les élites », alors que nous, on se dit « Non, mais une université où on ne redouble pas, il y a un problème ». Donc nous, on voulait redoubler, c'est pour ça qu'on est venu en France, mais on a essayé de faire de notre mieux, de ne jamais redoubler, parce qu'en Afrique, on respecte toujours, et là où il y a l'échec aussi. Parce que si la victoire est facile, bon, ce n'est plus une compétition dans ce sens. Mais heureusement, les choses sont revenues telles qu'elles étaient. Et désormais, nous avons peut-être plus d'énergie, plus de volonté dans la défense de cette langue française qui, je crois, est quelque chose d'essentiel pour tout le monde. Et j'espère aussi qu'on nous avait entendu tout ce qu'on a dit de l'autre côté là-bas aux politiques pour que désormais la francophonie ne soit pas perçue, même dans le gouvernement, comme une sorte de roue de secours. On a dit, bon, puisqu'il faut caler ici, on met ministère de ceci ou secrétariat à la francophonie. Il faut que ça soit considéré comme un élément de puissance. N'oublions pas que l'Amérique nous a eu aussi par la question de la langue. En nous imposant de parler une langue, on nous a imposé d'adhérer à une certaine américanité à laquelle nous ne pouvons avoir de réserve qu'en imposant aussi cette sorte de francité, comme dirait Léopold Sédar Senghor en son temps. Mais je ne veux pas monopoliser la parole. Peut-être que nous devrions échanger un tout petit peu par rapport à ce que j'ai dit ici. Il y a eu des questions à gauche et à droite, ou peut-être des précisions qui pourraient être faites, et ça nous permettrait d'aller en profondeur. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Apparemment, on peut parler sans micro, mais bon. C'est comme on veut. Non, il n'y a pas de problème. Il y a un micro baladeur. Ouais. Ah, voilà. Bonsoir à tous et merci une fois de plus à l'Amérique Simino pour apporter un talent jusqu'à nos portes. Voter le dimanche. J'y tiens. Voilà. Moi-même, je vote dimanche le 18e arrondissement. Je suis très attachée au vote et j'ai appris ça à mes enfants parce que dans merci. Beaucoup de pays, on ne peut pas voter. Voilà. Voilà. Je suis ravie d'avoir entendu avec précision ce que j'ai lu dans vos interviews, dans vos livres, et ce qui me fait écho complètement à, je dirais, mon algérianité, que j'avais mise de côté très longtemps parce que je croyais que j'étais française, née en France, de famille francophone. Et vous avez soulevé longtemps, régulièrement, vous le soulevez, cette question d'identité, donc du noir qui se met le masque blanc, avec cette évocation et de celui qui veut ou qui croit ou qui l'est ou qui décide. J'ai beaucoup réfléchi parce que j'ai travaillé, écrit, pas encore publié sur l'identité, qui, à mon sens, est un état jusqu'au regard de l'autre. Parce que c'est l'autre qui vous définit, je dirais, de manière puissante. Et là, on est impuissant comme ce que vous êtes socialement. C'est-à-dire que vous pouvez être dans votre état, vous pouvez vous sentir dans une origine quelconque. Moi, j'ai connu un jeune qui a appris qu'il avait un grand-père breton et qu'en fait, il est devenu breton à fond, mais pas parce qu'il a appris ça. C'est qu'il était intrinsèquement, peut-être dans son ADN, il avait des bribes ou une mémoire collective familiale. Et à un moment donné, on peut vous dénier ce que vous sentez être. Et cette déchirure, vous parliez tout à l'heure du Congo, de la langue française, tout ça, je l'ai vécu dans mes vacances en Algérie quand j'étais enfant. Toute l'Algérie parlait français, toute l'Afrique parlait français. Toute l'Afrique de l'Éthiopie à l'Afrique de l'Ouest. Et c'est vrai que un Français châtié, en même temps. On maîtrisait le français. Et on peut dire quand même que cette Afrique-là a eu comme langue maternelle le français. Et ce qui est... vous parlez de l'OIF aussi. Ce qui est quand même paradoxal, c'est que l'OIF attire des pays comme des pays de l'Est qui ne sont pas du tout francophones à l'origine et qui n'ont pas d'histoire conjointe avec la France et qui ont adhéré et qui adhèrent à l'OIF avec force. Et d'un autre côté, l'Algérie, qui est un immense pays où tout le monde parle français, et où il se passe le même phénomène qu'au Congo, c'est-à-dire qu'on matine le français de mots arabes et inversement, ce qui n'est pas le cas pour le Marocain et pour le Tunisien, au Maroc et en Tunisie. Et malgré tout, l'Algérie n'accède pas et ne rentre pas à l'OIF. Et pourtant, elle est un ambassadeur. Les Algériens, en France ou ailleurs, sont des ambassadeurs de la langue française. Ils ont une francité au fond d'eux. Et la difficulté, parce que vous parliez tout à l'heure de de cette préhension très technique et très disciplinée des Américains de la langue française, la difficulté de la France, c'est d'appréhender la francophonie comme une richesse. Or, en France, on cloisonne encore les gens de manière un peu, on dira post-coloniale. Et je voudrais votre avis là-dessus, parce que c'est ce par quoi la France pêche, on va dire régulièrement, c'est-à-dire à cloisonner. C'est-à-dire que vous n'êtes pas français, vous parlez un français, mais un français d'exilé, ou un français de... Mais vous n'êtes pas français, ou vous n'êtes pas francophone, francophile, parce que tout est cloisonné. Voilà. Excusez-moi, c'est... Non, mais... C'est votre avis sur cette appréhension de la France vis-à-vis de ces francophiles, francophiles et francophones. Parce que c'est la vraie difficulté à laquelle se heurte la langue française. Oui, je suis d'accord avec toi. En ce qui concerne l'Algérie, même si elle n'est pas membre de l'Organisation internationale de la francophonie, mais elle est quand même un membre très important de l'Union internationale des enseignants de langue française, qui est quand même aussi une organisation qui regroupe plusieurs pays francophones, y compris la France, y compris le Congo et autres, avec des milliers et des milliers de professeurs qui enseignent la langue française. Évidemment, la question de la langue française est une question tellement politique en Algérie, et que c'est plus facile de la résoudre par le biais de l'enseignement, par le biais de la science, que par le biais de venir un jour dire « voilà, la langue nationale va être celle-là ». Vous imaginez un peu, le bazar qu'il y aurait sur le champ. Mais il se trouve que tout part aussi de la définition que nous donnons souvent de la francophonie. Il faudrait que nous cessions de penser la francophonie comme étant... un espace ou une sorte de club dans lequel se réunissent les anciens colonisés, hein, ceux que la France avait colonisés. On a tendance, dès qu'on dit francophonie, d'écarter la France. La France était membre à part entière de la francophonie. En réalité, tous les écrivains qui écrivent en français et dont le pays a pour langue officielle la langue française, tous ces écrivains sont des écrivains francophones. Pour moi, Houellebecq est un écrivain francophone, comme l'est Amadou Kourouma, ou Pierre Michon, ou Jean Echenoz, ou David Fonkino, c'est des écrivains francophones. Venir dire, par exemple, que Kourouma, c'est un écrivain francophone, et puis, Fonkino, c'est un écrivain français. C'est quoi ces pyramides des âges? Ça ne sert à rien, puisque la France, c'était membre de la francophonie. C'est comme si... en se disant que la francophonie était réservée ou était le domaine des anciens colonisés, c'est comme si on considérait que la France poursuivait une sorte de colonisation par un moyen détourné de ses anciennes de ses anciens pays colonisés qui se réuniraient. Donc moi j'ai plutôt une conception plus ouverte de la francophonie. J'enseigne un cours de littérature francophone, vous pouvez retrouver dedans des textes d'un écrivain européen, Albert Cohen. Vous pouvez trouver les textes d'un Kateb Yassine. Et vous pouvez trouver les textes d'un Guinéen comme Kamara Lai. Tout comme vous pouvez trouver le texte de Voltaire ou quoi. Moi, ce qui m'importe, c'est ce qui est écrit en français. Pour moi, un écrivain qui écrit en français et dont le pays a pour langue officielle la langue française, c'est cela, un écrivain francophone. On s'est battu pour cela pendant longtemps. Quand vous alliez parfois dans certaines FNAC à l'époque, il y avait toujours écrivains français et écrivains francophones. Et les écrivains francophones, il fallait chercher leurs livres en bas dans un angle mal éclairé, tandis que l'écrivain français le plus médiocre aurait la devanture parce qu'on le verrait. Mais ça, il fallait le travailler pendant longtemps. Ça a pris du temps. Parce qu'il y en a aussi des écrivains francophones dits décolonisés qui se complaisaient dans cette situation. Il a fallu que nous puissions déplacer l'émulation littéraire du terrain régional au terrain plutôt global de la langue. Moi, je veux dire que quand on donne un prix Renaudot à Amadou Kourouma, on ne célèbre pas un pays. C'est un écrivain qui a eu un prix pour lequel tous les écrivains français concourent, d'expression française. Donc c'est pour ça que moi j'aime plutôt parfois parler, quand je dis littérature française, je considère que je parle d'une littérature nationale qui est ici, qui est faite en France. Maintenant, quand je veux englober tout le monde, je dis toujours littérature d'expression française en tant que langue. Et là, nous avons un espace, tout comme il existe une littérature congolaise, mais elle est écrite en français. Et donc, pour la dissocier de la littérature qui est faite par les écrivains français qui sont vivent ici, ben moi je dis littérature française, c'est-à-dire des Français, littérature congolaise, de ceux qui sont au Congo. Mais les deux, ils sont des écrivains d'expression française, ce sont des écrivains francophones. Mais ça, ça doit prendre du temps pour venir. Ça vient, c'est vrai, à vélo. Un jour, on va prendre peut-être une voiture à 4 vitesses, puis 5, et puis un jour, on aura une littérature. Prenez l'exemple des anglophones. Pourquoi on dit qu'ils sont forts? Tout simplement parce que quand vous allez en Angleterre, dans l'espace anglophone, quand Salman Rushdie publie son livre, on ne dit pas, bon, lui c'est un écrivain anglophone, tandis que Beckett c'est un écrivain anglais. Non, pour eux, c'est un écrivain anglais. C'est un qui écrit en anglais, donc il n'y a pas de distinction. Et ça ne les dérange pas que pendant 7 ans, ce soit des écrivains venus des îles anglophones qui remportent le Pulitzer, qui remportent... Non, c'est la vitalité, parce qu'ils savent que la langue tient aussi parce qu'on la parle ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mérite pour un écrivain français d'être français et d'écrire en français. Mais il y a plus de mérite à quelqu'un qui est, je ne sais pas, dans une île perdue là-bas, avec un dictionnaire qui n'a même plus les dernières pages, je ne sais rien, mais il écrit dans un français extraordinaire. C'est ça qui donne de la puissance. Quand le français apprend la langue française, il l'apprend directement dans le sein de sa mère. Il naît avec le français, il entend le français, il voit son biberon en français. Mais nous, quand on est né avec les langues multiples. Maman parlait une autre langue, ma mère parlait le bembe, mon père parlait le kinkenge, l'oncle allait épouser un teke, la tante s'est accoquinée avec un lari, et on arrive, on est dans une tour de Babel. Et le bébé, il ne sait plus à quel biberon se vouer. On lui donne celui-là en lingala ou bien en monokotuma, il boit tout. Et puis à 6 ans, on le réveille, il dit, c'est fini, cette guerre des langues, tu dois aller à l'école. C'est à partir de 6 ans qu'on nous traîne le fouet pour aller apprendre l'alphabet. On se dit, ah bon, l'alphabet et puis les mots. Et on commence à émerger, on comprend, c'est extraordinaire, la guerre des langues. Et du coup, parfois même, l'étude de la langue française va nous permettre d'étudier encore mieux nos propres langues africaines. Certaines langues n'avaient pas de grammaire. On essaie de se dire, bon, écoutez, comme la langue française, peut-être qu'il faut un peu penser aussi à ordonner ici, etc., etc. Donc je pense, il y a cette question, puis la question de l'identité, bon, ça y va de pair. À force d'aimer une langue, à force d'avoir une nation qui est une nation linguistique, on arrive à créer une sorte d'histoire commune. Dans chaque langue, il y a une histoire. Plus vous aimez une langue, plus vous allez partager les moments forts de cette histoire, même les faiblesses. Il ne faut pas avoir honte de ce qu'on a fait dans l'histoire, que ce soit en mal. Le bonheur, c'est de reconnaître les erreurs qu'on a faites. Bon, c'est vrai, il y a eu ça, ça, ça, ça, ça. Je reconnais, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour vivre ensemble? Le vivre ensemble, c'est ce qui manque souvent dans les dialogues que nous avons maintenant. Chaque camp reste dans son coin. Celui-là revendique, oui, bon, vous m'avez colonisé pendant tant d'années, vous étiez esclave pendant 400 ans, vous devez payer. L'autre qui dit, moi, je l'avais fait pour ton intérêt, parce que si je n'étais pas venu, tu n'aurais rien. Donc c'est la guerre presque des responsabilités dans ce sens. J'écoute là, je dis, voilà, ce que vous avez fait pendant 400 ans, c'est ignoble, c'est un crime, on le reconnaît. Ce que vous avez fait, ceci, cela, mais est-ce qu'à l'intérieur, quelle a été ma part de responsabilité? Qu'est-ce qui s'est passé? Et après, on cherche les bases d'une vie en communauté. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous sommes condamnés à nous mélanger. Nous sommes condamnés à parler cette langue. Nous sommes condamnés à peut-être l'enrichir. Mais nous sommes aussi responsables de son appauvrissement. Donc je pense que la question identitaire est une question souvent qu'on agite, qu'on utilise très mal pour faire peur aux gens. Moi-même, quand j'entends le mot identité, ça me fait d'emblée peur. Parce que je sais que les gens vont forcément récupérer ça. Dans la tête de beaucoup, identité, ça veut dire un petit groupe qui réclame ses droits, qu'on ne donne pas et qui risque d'utiliser tous les moyens pour les avoir. Je ne suis pas plutôt partisan de cette sorte de guerre, je suis plus dans le sens de la conciliation. Ah, le micro se balade toujours. Bonsoir. Je voulais vous poser une question, justement, je crois qu'il ne marche pas. Si, ça marche. Ah, ça marche. Oui, tout à fait. Par rapport justement à cette littérature que vous dites francophone, mais vous êtes un écrivain africain. Et moi, j'ai été élève en France, et j'ai appris la littérature française classique à l'école avec des auteurs classiques. Et c'est vraiment à titre de loisir que j'ai eu l'occasion de découvrir des écrivains africains qui s'exprimaient en français. Mais j'ai pas eu l'opportunité. J'ai eu l'opportunité à l'école, mais très peu. Enfin, avec des écrivains très célèbres, donc on peut pas nier l'importance d'un point de vue l'importance dans la culture française, comme les écrivains Césaire, Senghor, etc. Et je pense, enfin, j'avais déjà entendu ce débat. Pour nous, par exemple, africains de la diaspora, moi j'ai grandi ici, je ne sais pas si je peux me considérer comme africaine de la diaspora ou française. Je ne sais pas si il y a peut-être un besoin pour nous, africains de la diaspora, pour en tout cas personnes qui ont reçu une éducation d'Africains, qui ont grandi dans des familles africaines, donc qui ont également connu cette réalité, bien qu'elles aient connu la réalité française, qui est un besoin d'amplifier quand même d'amplifier cette culture. D'Africains qui connaissent la réalité française. Parce qu'on est énormément, on est beaucoup d'enfants enfants d'immigrés ou enfants ayant grandi ici sur plusieurs générations, mais qui quand même ont une affection et une relation avec l'Afrique. Et j'ai trouvé ça dommage qu'il n'y ait pas assez de promotion justement à ce niveau-là et qu'on n'ait pas eu l'opportunité de se voir identifié dans cette culture. Et je pense que... Je ne sais pas si vous trouvez qu'il y a cette nécessité justement d'accentuer ce phénomène-là et d'essayer de représenter ces Africains qui ont aussi bien côtoyé la réalité française, mais qui ont quand même un héritage africain. Oui, je pense qu'il y a cette nécessité. C'est très important aujourd'hui. Je pense même que tous les Français devraient lire aussi les auteurs africains qui écrivent en français. Parce que c'est toujours bien de savoir ce que l'autre pense de vous dans une langue qui est censée être par destination la vôtre. Moi, je pense toujours à la préface qu'avait faite Jean-Paul Sartre pour le livre de Senghor, justement, Anthologie de la littérature nègre et malgache. À l'époque, on n'avait pas peur de dire le mot nègre. Donc, de la littérature nègre et malgache. Donc il avait, Jean-Paul Sartre avait démontré, expliqué que c'était ces mêmes nègres, le mot est là, à qui on avait arraché la parole, qui avaient étudié la langue du colonisateur, mais qui entre eux parlaient contre le colonisateur dans la langue de du colonisateur qui lui-même ne comprenait plus ce que ces gens disaient. Alors que le colonisateur pensait que, en apprenant la langue française, les colonisés étaient plutôt en train de faire son éloge, c'était plutôt des comptes qu'ils étaient en train de lui demander. Donc je pense que les littératures écrites en français par les Africains ou par ceux qui sont de l'espace aussi francophone sont des littératures qui font partie des littératures d'expression française, donc qui explique aussi ce qu'est la France. Ne pas étudier cela, c'est rater une partie de l'histoire. Parce que les écrivains africains, pour la plupart, parlent de la France. Si vous prenez les livres de l'époque, Batouala de René Maron, qui était le premier africain à voir le Goncourt, je crois même le seul, jusqu'à maintenant, si mes souvenirs, en tout cas de l'Afrique noire, puisque le Goncourt Tahar Ben Jelloun et Lahu, et du côté du Maghreb aussi. Batoila, c'est un livre qui a peint la colonisation. Mais les livres qui ont suivi dans les années 50, comme Ville cruelle, qui est d'un Camerounais, et Zaboto Mogobeti, ça décrit ce qu'était la colonisation à l'époque. Si vous prenez Une vie de boy, mais il y a des personnages, des révérends, des colons, des empereurs de ceci, des références à l'histoire de la France. Si vous prenez toute cette littérature coloniale, même après la colonisation, c'était la description que les anciens colonisés faisaient de la France, ou même le témoignage de la culture française qu'ils avaient. Parce que ce qu'on oublie le plus souvent, que tous ces écrivains venus d'ailleurs, ils sont entrés en littérature en passant par la littérature française. C'est des gens qui ont lu Voltaire à la lettre, c'est des gens qui ont lu L'Esprit des Lois 14 fois, c'est des gens qui sont allés chercher ce qu'il y avait dans les poèmes de Baudelaire, c'est des gens qui maîtrisent l'histoire de la France et qui jouent avec elle. Et donc demain, si on devrait définir ce qu'est cette littérature écrite en français, si on ne prend pas compte de cela, eh bien, on perd une partie de la culture. Parce que parfois, ces gens sont les plus grands ambassadeurs de cette culture. Et parfois, il vaut mieux savoir ce qu'ils pensent de l'Occident pour cerner peut-être la dimension du monde. Et moi, j'ai toujours aussi cru que les écrivains qu'ils viennent d'Afrique, mais qui ont grandi ici, ou certains qui sont nés ici, comme dans votre cas, sont aussi responsables de la culture d'expression française. Donc, pour moi, ça ne pose pas de problème. Tout écrivain africain qui écrit en français a forcément une culture de la dualité. Il a une grande part africaine et une grande part occidentale. Et son écriture peut refléter son tempérament. Selon que ces deux parts, la part africaine et la part occidentale, sont apaisées ou dialoguent de manière raisonnée, il y aura une certaine littérature. Selon que la part africaine va dépasser dans une certaine rage, on peut avoir aussi une littérature agressive qui est une littérature de recroquevillement et parfois qui peut pousser parfois même jusqu'à l'intolérance ou même la revendication de ses droits. Et le plus souvent, toute écriture africaine est une écriture qui lutte entre cette double culture que nous avons, qui est une chance. Parce qu'imaginez, moi je suis un Français, né ici, tranquillement, j'écris mes livres, je suis là, je suis content, ça se passe bien. Mais moi je viens d'Afrique. C'est-à-dire que je peux utiliser ma part occidentale pour créer un certain univers qui va être encore dopé, entre guillemets, par ma part africaine, qui est un gisement dans lequel je vais puiser pour donner quelque chose d'autre qui me permette de me détacher de la situation. Donc l'avantage d'enseigner aux Français ici la littérature africaine, par exemple, ou antillaise ou autre écrite là-bas, c'est qu'on donne la possibilité à ces Français d'avoir un imaginaire plus ouvert. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les Américains, les étudiants américains risquent d'être en avance puisqu'ils vont étudier à la fois la littérature française et la littérature francophone. Donc c'est une part à faire, à étudier, et aussi l'étude de ce qu'on appelait la littérature d'immigration ou d'émigration, celle qui se fait ici par ceux qui sont originaires d'Afrique mais qui sont nés ici et qui n'ont parfois pas mis les pieds en Afrique. Il témoigne d'une certaine France que nous, on doit prendre en compte aussi. Bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur Mabankou. Bonsoir. Je voulais un peu rebondir sur ce que disait Madame. Oui. Parce que, quand même aussi, moi je suis née en France. Mm-hmm. Je suis d'origine Congo-Kinshasa. Mm-hmm. J'ai jamais mis les pieds aussi au... Tout simplement. Et c'est vrai que le fait de lire vos œuvres, enfin, j'ai commencé par Vers cassé il y a quelques années. D'ailleurs, je l'ai passé hier à mon frère, à mon petit frère. Merci. Là, tout de suite, j'ai Lumière de Pointe-Noire, mais je ne me sens pas encore prête à le lire. Ouais. Demain, quand j'aurai 20 ans, j'ai commencé un petit peu. Et entre-temps, j'avais écouté l'émission là, sur l'Afrique enchantée. Et vous étiez invité, vous parliez du Black Bazar. Donc là, c'était super parce que je me dis, tiens, ça me donnera encore plus envie de lire ce livre. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ça m'a permis un petit peu de trouver des clés que je n'ai pas eues, c'est-à-dire l'explication de certaines expressions, de modes de vie, des choses que j'ai retrouvées, même une anecdote dont vous avez parlé tout à l'heure, quand vous disiez que quand vous étiez petit, vous alliez chercher des bières pour les prostituées. Mmh. Moi, c'est vrai que petite, j'ai gardé mon premier argent de poche en allant justement chercher des bières à des tontons qui venaient, qui squattaient tout simplement chez ma mère, chez nous, qui venaient toujours à des heures stratégiques, avant le repas, etc. Il fallait acheter la 16, j'allais chez le Mundi, Sidi Ibrahim, enfin, c'est le Mundi. On dit souvent de manière désagréable, oui, l'arabe du coin. Ouais. Même s'il n'est pas au coin. Péjoratif. C'est péjoratif. Voilà, j'avais compris. Pas, il fallait quand même. Voilà, tout à fait. Merci pour la précision. Compris. Mais c'était pas du tout péjoratif dans ma bouche. Non. C'était un peu dans ce contexte-là et que justement je rapportais les consignes et je gagnais mon argent. Des choses comme ça que j'ai pu cerner grâce à vos œuvres, parce qu'on ne m'a pas donné les clés, où j'essaie de les observer, mais je les interprétais à la lumière de moi ce que j'ai vécu, ce que d'autres Africains que j'ai rencontrés à l'université ont vécu, mais je sentais que c'était compliqué. C'était compliqué pour moi et grâce à vos livres, je commence un peu à trouver des explications. À comprendre aussi peut-être des oncles, des tantes, des cousins qui commencent à arriver ici. Et franchement, ça, je trouvais ça très, très intéressant. Je veux aussi revenir sur ce que vous disiez en disant que c'est vrai qu'à l'école, on n'en parle pas, c'est vrai. On n'en parle pas quasiment pas, mais après, je dis c'est peut-être à nous aussi, les jeunes, de montrer notre intérêt, ne serait-ce qu'en parlant de cette conférence de ce soir, en manifestant aussi notre intérêt. Et c'est à chacun, après, de poursuivre, j'allais dire, son chemin, de faire un cheminement. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Et j'ai eu beaucoup de mal. Enfin, j'ai commencé d'abord par de la littérature belge, mais ça passait pas. Parce qu'il y avait vraiment ça passait pas du tout, j'arrivais pas. Soit c'était vraiment sur l'ancienne colonie, c'était un langage, une histoire que je connaissais pas. Après, je me suis tournée vers la littérature anglo-saxonne, j'essayais de lire en anglais. C'était encore trop avancé, j'avais pas cette maturité-là. Et vous, justement, j'ai trouvé que vous avez un bon équilibre pour moi entre le français, la littérature africaine, ce que vous développez, la synthèse que vous avez faite. Et vraiment, je tenais à vous remercier là-dessus, en fait. Mais merci beaucoup. Hein. J'avais eu peur, je voyais venir une massue, mais non. Finalement, c'était... Mais merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Et on a... moi aussi, j'ai vécu quand même pendant longtemps en France, plus de 17 ans. Quand je suis arrivé, j'avais 19, 20 ans. Donc c'est un pays que je connais bien, que je connaissais depuis l'Afrique. Parce qu'en général, tous les Africains, ils connaissent la France... depuis chez eux. C'est-à-dire l'école que nous avions là-bas est française, les livres français. Je me rappelle que quand on faisait les sujets d'examen du certificat ou de cela, les sujets venaient de France. C'est-à-dire que on allait voir le féticheur pour bien réussir l'examen, et le féticheur, il était malin. Il disait, peut-être qu'il avait suivi dans les informations, il dit: les sujets vont venir demain de France par avion à 16h. Donc, aller à l'aéroport, on s'est couché dans l'air pour voir passer l'avion et les sujets et atterrir. Et on voyait les militaires ramener les sujets, des militaires, des gendarmes français, hein, parce que ça venait de France, voilà. Et les sujets, ne fût-ce que de voir les sujets atterrir, ça nous donnait de l'énergie. Et quand on arrivait... on le faisait, mais c'était les mêmes livres, je veux dire, on lisait La Fontaine, on lisait le Verlaine, dans ce sens. Et quand on venait en France, on n'était pas du tout dépaysé sur le plan scolaire, on faisait simplement une équivalence, on arrivait, voilà, vous avez eu tel certificat. Même les directeurs de lycée ou de collège, c'était encore des Français. C'était les Français qui étaient là pour garantir justement une certaine neutralité, parce qu'on ne sait jamais, la corruption parfois sur place pouvait aller jusqu'à soudoyer le directeur d'école pour que tous les enfants puissent avoir les examens comme en Union soviétique. Voilà. Vous connaissez la Marseillaise alors ? Ah oui, tout le monde a chanté la Marseillaise, oui. Je connais la Marseillaise parce qu'on la chantait. Je connais aussi l'hymne national du Congo, hein, qui a été écrit par un écrivain qui est toujours vivant, qui s'appelle Henri Lopez, et qui est l'ambassadeur du Congo ici à Paris. Donc on étudiait ces hymnes, mais on était ouvert, on étudiait aussi les hymnes des pays voisins, on ne sait jamais, hein, peut-être que voilà, le jour où il y aura un match de football pour les honorer, on amenait les élèves pour aller chanter l'hymne des autres pays. C'était un exercice très intéressant, étudier les hymnes nationaux de beaucoup de pays. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très ravi de vous voir parce que c'est la première fois que j'ai l'occasion de vous croiser. Et je ne résistais pas à vous poser cette question que je m'apprête à vous soumettre. J'ai bien écouté les interventions précédentes et je pense que je peux rejoindre plusieurs points. Mais à force de vous écouter, vous lire, je me demande, je ne sais pas pourquoi vous ne consacrez pas plus de temps aux questions en général du politique, je m'explique. C'est-à-dire que je comprends ce que vous dites quand vous parlez de la crise de la littérature, en quelque sorte qui mine sous l'angle de la francophonie. Et je crois que vous rejoignez d'ailleurs les thèses d'Alain Gérard Sama, qui a écrit « Les écrivains qui ont fait la République », que je connais. Et si je prends mon cas, moi je travaille avec Pierre Manon, le philosophe à l'École des hautes études, puisque c'est dans le cadre de mes recherches, on travaille sur la crise du politique. Et dans ce versant-là, on consacre une part importante à ce qu'on appelle, de manière très rapide, la désoccidentalisation du monde, qui sont des théories qui découlent de Marcel Gouchet, embrassées par Claude Lefort et d'autres philosophes à l'École des hautes études. Mais ce qu'ils disent souvent, ces philosophes-là, c'est que la vision qu'on a de la littérature s'arrête beaucoup plus souvent à ces écrivains-là de la francophonie, excellent, il faut bien le dire, mais on ne consacre pas assez d'importance au versant politique avec un grand P, hein, pas le pia-pia politique qu'on voit tous les jours. Il y a de quoi d'ailleurs on vote dimanche, il y a de quoi vraiment dégoûter les gens, franchement. Non, pas de. Non. D'ailleurs, moi j'irai voter. Mon choix est fait, j'irai voter. Mais enfin, je veux dire, quand vous. Je suis les marchés un peu là, il faut entendre ce qu'il dit. Bon, les gens ont un mauvais sentiment, vous le savez, de la classe politique en général. Mais enfin, bon, c'est pas le débat ici. Pas ici. Oui, c'est un qui d'avance, premier tour même, je crois. Pas ici, voilà. Voilà, ce que je crois, c'est que... alors moi, pourquoi vous ne consacrez pas autant de temps aussi toujours ce côté littéraire qui est le vôtre, d'ailleurs. Et en plus, vous n'avez pas une formation littéraire. Je crois que vous avez fait Dauphine, vous avez fait de... J'ai fait du droit, mais bon, j'ai un bac en lettres, philosophie. D'accord, je vous ai écouté souvent le dire dans des émissions. Au côté politique, vraiment. Parce que je crois, moi, pour ma part, que vous qui vous êtes en France actuellement, la difficulté, le problème... qu'on trouve dans les sociétés occidentales actuellement, c'est cette fameuse crise-là, une crispation sur le plan sociétal, sur la croyance, les résurgences identitaires, la crise économique, la crise financière, on ne croit en rien, la crise de l'engagement. Bref, tout ce phénomène de crise, là, comme le dit la philosophe Myriam Revaud-Allonne, qui embrasse toutes les sociétés occidentales. Mais je crois qu'on peut le lire aussi avec un versant littéraire. Et moi, ce qui me frappe, c'est pourquoi les hommes de lettres, dont vous, ne consacrez pas aussi un angle de réflexion sur les sujets politiques. Je répondrai en disant que quand vous êtes un écrivain ou un romancier, je pense que l'intention ne devrait pas précéder la création. La création... est une sorte d'inspiration spontanée. Et le plus souvent, si vous prenez n'importe quel roman, vous allez déceler une dimension politique dans la plupart du temps. Si vous avez lu, par exemple, un de mes livres qui s'appelle « Les petits-fils nègres de Vercingétorix », qui résolvait à sa manière, par le biais du personnage, les questions de certaines guerres civiles qui s'étaient passées en Afrique, de certaines politiques dictatoriales qui s'étaient passées dans le continent. Si vous prenez également même un livre comme que j'estime pour moi, sans le savoir, j'avais fait de la politique. Demain, j'aurai 20 ans. Qui, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de livres dans lesquels vous allez retrouver les Henry Kissinger, les l'Ayatollah Khomeini, les Yasser Arafat, expliqués par la naïveté d'un enfant. L'écriture, c'est aussi cela. On fait semblant qu'on n'est pas en train de faire de la politique et on se rend compte qu'en écrivant, nous sommes tous en train de donner une dimension politique à quelque chose. On n'est pas forcément obligé d'écrire dans un roman, attention, il y a de la politique à l'intérieur. C'est souvent l'analyse que vous allez faire. Moi, j'ai vu beaucoup de... Quand les gens font les thèses, on me prête des choses. J'ai dit, ah bon, j'avais même quand même... Et ça me fait plaisir, hein, puisque je vois une thèse, un étudiant a consacré 4 ans sur un de mes livres en démontrant comment j'ai pu fonder telle dictature, là. Moi, j'ai jubilé au moment où j'écrivais le livre. Mais la dimension politique est là parce que les gens pensent qu'ils ne font pas de la politique, mais si vous croyez que vous ne la faites pas, en réalité, vous êtes en train de la faire. C'est un peu ce combat qu'il y avait à l'époque, pendant la guerre, lorsqu'on reprochait à Aragon d'écrire les yeux d'Elsa, de parler des fleurs alors que les bombes étaient en train de tomber, de ceci, de cela... et qu'il avait démontré que même lorsque on était en train de parler d'amour en temps de guerre, on était en train de commettre un acte politique. On était en train de tracer une société. Devant cette sorte de désespoir, il peut y avoir une place pour l'amour. Et bien, dans Demain, j'aurai 20 ans, c'est le portrait du Congo-Brazzaville vu par un enfant depuis cette dimension sociale ou dans la famille... L'oncle est riche, mais il se prétend communiste. Parce que chez nous, à l'époque, c'était comme ça. C'est-à-dire que nous, on nous avait dit, on étudie, on croyait que les communistes devaient être pauvres, ils ne devaient pas avoir de l'électricité, surtout pas du chauffage, climatiseur, pas de voiture. Et moi, j'avais cet oncle qui était pratiquement... le plus riche du quartier, parce que la maison est bien barricadée, il a au moins 2 voitures, dans ce sens. Mais il est membre du parti, et tous les jours, dans les réunions du parti, il va pourfendre les capitalistes qui ont tout gaspillé, qui font de l'accumulation des richesses, c'est injuste, ils se sont appropriés les moyens de production. Et en tant qu'enfant, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'un moyen de production? C'est quoi la dialectique? Parce que c'était ce terme. Hein. On était à table qui nous parlait de la dialectique alors qu'on avait 7-8 ans. Et mon oncle qui arrivait, qui dit, attention, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. Maintenant, il s'agit de le transformer. Petit, ça c'est la 11e thèse de Ludwig Feuerbach dans la fin de la philosophie classique allemande. Et nous, on acquiesçait, parce que si vous n'acquiescez pas, il vous enlève l'assiette de la table. Et l'image que je montre dans Demain, j'aurai 20 ans, où quand je mangeais, mon oncle m'imposait d'avoir, en face de moi, il y avait Lénine, Karl Marx, Engels et le président Marien Gwabi. Et le jour, il y avait Victor Hugo qui l'avait enlevé parce qu'il avait découvert dans quelques pages là-bas que Hugo avait légitimé, je ne sais pas, cette sorte que l'Afrique n'avait pas d'histoire, etc., etc. Hein, une idée qui reviendra plus tard ailleurs. Donc moi, j'avais en face de moi cette politique. Et quand mon père qui rentrait, à l'époque c'était la guerre de l'Iran contre l'Irak, les États-Unis, ils avaient Henri Kissinger comme le ministre des Affaires étrangères, et l'ayatollah Khomeini qui était pourchassé partout. Quand je raconte tout ça, je pense que c'est dans cette dimension politique. Et quand je veux vraiment qu'on entende ma voix dans un débat, je peux le faire aussi sous la forme d'essai, qu'on retrouvera par exemple dans mais c'est comme Lettre à Jimmy, qui touche une question des droits civiques aux États-Unis, mais aussi de la question des banlieues, ou Le sanglot de l'homme noir, que j'avais publié à l'époque. Comment ? Ouais, l'Europe vue d'Afrique, c'est vrai que ça existe. Mais je n'ai pas souvent... Je n'aime pas aborder ces questions de manière guerrière. Moi, j'ai toujours vécu, comme on m'a éduqué par mes parents, par le culte, peut-être par la courtoisie dans le dialogue. Le dialogue doit être courtois. Moi, je pense même que la chose qui passe mieux lorsque vous voulez dire les choses et les faire passer, c'est les faire passer dans la courtoisie, dans l'humour, parce que l'humour est une arme que ne peut avoir un intolérant, Hein. C'est pour cela que parfois, quand vous avez dans les cours de l'époque où on pensait que les La Fontaine venaient faire le bouffon du roi en racontant des fables et que le roi ne comprenait pas que derrière les animaux, par ce jeu même de l'anthropomorphisme, on était en train de critiquer en réalité le pouvoir qui était en place. Et la fable, c'est le roi, il était content, mais il ne comprenait pas que quand on était en train de dire d'un magistrat ignorant, c'est la robe qu'on salue, qu'on était en train de critiquer, ou par un simple mot de nos ennemis les plus à craindre sont les plus petits, il ne croit pas. Le roi pense que le peuple est petit, mais attention, il faut le craindre. Donc moi, c'est dans cette perspective même des fabulateurs, de ceux qui font de la fable un instrument politique. Évidemment, je suis conscient que beaucoup, souvent, du côté de mes frères africains, disent « Oui, mais vous qui pouvez parler, qu'on peut écouter, pourquoi vous n'attaquez pas de... ?» Mais écoutez, on ne peut pas forcément penser que le biceps, c'est ça, faire gonfler les biceps, ça fait peur forcément. Moi, j'ai peur du lion qui rugit doucement. Parce que je me dis, mais quand il va rugir très fort, qu'est-ce qui va se passer? Mais celui qui rugit fort tous les jours, je suis habitué, mon oreille est déjà captée, les décibels, je sais déjà comment ça va. Le jour où le lion qui rugissait doucement va rugir très fort, ça veut dire qu'à ce moment-là, nous serons dans ce que James Baldwin appelait la prochaine fois le feu, hein, que j'ai cité plusieurs fois dans le tour. Donc rassurez-vous, il y a une dimension politique. Comment je le sais? Parce que de temps en temps, je lis les thèses qu'on fait sur mes livres pour un peu me renseigner, parce que je ne les savais pas. Je suis un peu comme une tortue qui ne sait pas qu'il a une carapace. Et un jour, une autre tortue passe et dit « Ah, mais ta carapace, là, est bien hein. !» Je dis « Ah bon? Elle est bonne !» Là, j'en prends conscience. Et évidemment, il vaut mieux pour un écrivain qu'il ne soit pas conscient, sinon il va faire non pas des livres, mais il va faire simplement des tracts, des actes de militants. Si on veut faire des actes de militants, on adhère à un parti et puis on fait directement et frontalement la politique pour attaquer son adversaire, son opposant. Mais un romancier, il a une démarche aussi esthétique. J'ai le respect de celui qui doit me lire. Il ne doit pas lire forcément des insultes, mais il doit comprendre que je participe au débat par la confrontation de la création. Voilà. Merci. Voilà, on vous remercie pour votre intervention. Merci beaucoup. Hein, merci.